quand on combat au sol à coups de coude, on est dans l'atteinte à la dignité humaine, donc pour l'instant le code du sport interdit. Puis très sincèrement, avec une cage, ça fait plus jeu du cirque qu'activité sportive. Combat de chiens, combat de coqs en cage, déversement d'une violence inouïe et gratuite. Esthétisation et banalisation de la violence, activité barbare, inhumaine. Nombreuses sont les réactions indignées que suscite encore aujourd'hui le MMA, le Mixed Martial Arts, qui n'est plus interdit en France depuis l'an dernier. Alors quels sont les arguments en faveur d'un tel sport ? Mon invité aujourd'hui soutient qu'on apprend à regarder un match de MMA comme on apprend à boire du vin. Et il a 50 minutes pour vous en convaincre. Tommy a salué ses camarades pour la première fois et il entre dans la cage. Messieurs, venez-là. C'est moi qui dicte les règles et je veux un combat loyal. Vous respectez les ordres que je donne. Ne baissez jamais votre garde. Touchez-vous les gants et repartez dans votre coin. Mad Dog a l'air monté sur ressort. Il ne veut faire qu'une bouchée de Tommy. Il a prévu un KO sur un seul coup de poing. Vous êtes prêts ? Alors combattez ! Et c'est parti. Tommy l'a mis direct au tapis. Putain, il lui maintient le bras. Il la sort de coup de poing. Les coups pleuvent comme des bombes. Mad Dog est dans le sale bras. Il faut arrêter le massacre. S'il vous plaît, arrêtez ce combat. Ça suffit, on arrête, ça suffit. C'est le KO le plus rapide que j'ai vu de toute ma carrière. Mad Dog Grimes a été démoli, ne bouge plus d'un poil. Si quelqu'un s'amuse à faire ça en dehors d'un ring, on l'enferme à vie. Et voilà Tommy Riordan qui quitte la cage comme s'il quittait le set de Grimes. Bonjour Mathieu Kidu. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci beaucoup. Est-ce vrai donc que vous comparez l'apprentissage du visionnage d'un match de MMA à celui de l'apprentissage de boire du vin? Oui, tout à fait. Des études sociologiques ont montré que les motivations qui animaient les spectateurs variaient suivant leur degré d'expertise dans l'activité. Donc pour des spectateurs totalement novices dans le MMA, la quête première était celle d'un combat engagé, voire violent et ensanglanté. À l'inverse, pour les spécialistes du combat, la motivation première est l'appréciation technique, du jeu tactique, des prouesses physiques des combattants. Et donc, on a vraiment un continuum qui va du novice à l'expert, non seulement dans la pratique, mais également dans l'appréciation visuelle de la pratique. Donc, les motivations sont vraiment variables. Mais ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans un domaine absolument sauvage. Ce qui fait partie des reproches qu'on fait à ce sport, c'est qu'il n'est pas réglementé, c'est qu'il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de protocole, et qu'en gros, c'est la loi du plus fort. Alors, pour les experts de la discipline, cette image apparaît désormais comme très datée. À plus de 20 ans en arrière. Par contre, pour ceux qui n'ont pas d'accoutumance à l'appréciation visuelle de cette activité, ces préjugés continuent à demeurer. Et c'est ce qui fait que encore aujourd'hui, certaines personnes peuvent associer le MMA à des activités barbares, brutales, indignes, qui porteraient atteinte à la dignité humaine. C'est vraiment l'opposé pour les pratiquants, pour les entraîneurs et pour les spectateurs aguerris de cette activité. Donc on a vraiment un hiatus qui commence à se fermer, mais qui est encore très présent. Et d'où vient ce décalage de la représentation médiatique, cinématographique de ce sport ? Alors la représentation cinématographique y est pour beaucoup, mais je pense qu'à l'heure actuelle, dans la situation française, les prises de parole politiques sont peut-être celles qui ont le plus marqué l'imagerie populaire qui entoure la discipline. Donc nombreux sont les ministres qui, jusqu'à 2020, ont tenu des propos très durs, alors le plus souvent infondés de mon point de vue, sur la discipline. Alors ça va de Thierry Braillard qu'on a entendu qui était secrétaire d'État chargé des sports sous François Hollande. Voilà, mais ça transcende vraiment les divisions politiques, puisque Chantal Jouanneau a pu tenir des propos extrêmement durs, Madame Fourneyron, Madame Buffet. Donc on est vraiment dans un panel politique qui a une image relativement partagée de la discipline, qui a pu évoluer avec Laura Flessel et avec Roxana Maricignano plus récemment. Donc il a rendu ce sport, j'ai dit légal, c'est le cas en 2020? Alors il n'a jamais été illégal. Ouais. Il était tout à fait possible de s'entraîner en MMA, même si se posait une question de la qualification des entraîneurs, puisque jusqu'à janvier 2020, aucune instance n'était habilitée à délivrer des diplômes. Néanmoins, depuis janvier 2020, cette prise en charge par la Fédération française de boxe est en cours, qui va avoir plusieurs intérêts. D'une part, structurer l'encadrement, donc former des entraîneurs qualifiés dans le MMA et non plus des anciens spécialistes de boxe thaï ou de judo, mais également organiser des compétitions d'un point de vue amateur et d'un point de vue professionnel, et donc produire des règlements adaptés à chaque catégorie de pratiquants. Donc c'est vraiment le rôle de la Fédération française de boxe sur cet agrément qu'elle vient d'obtenir. Vous êtes Mathieu Kidu, professeur agrégé de PS à l'ENS de Lyon, docteur en STAPS, chercheur en sociologie et philosophie du sport au sein du laboratoire sur les vulnérabilités et l'innovation dans le sport à l'Université Lyon 1. Ça veut dire que vous avez toujours allié la pratique physique à la réflexion théorique ? Tout à fait. Lorsque je suis arrivé à l'ENS de Lyon, donc en tant que professeur de PS, j'ai tenté de proposer le MMA et assez étonnamment, ça a fonctionné. Donc j'en ai été à l'ENS de Lyon. Oui, j'en ai été le premier surpris. Et donc ça a suscité des recherches sociologiques pour essayer de comprendre comment des normaliens pouvaient être attirés durablement. Alors je dis pas pour un ou deux cours, mais pendant parfois 4, 5, 6 années durant leur cursus à l'ENS par cette pratique qui par ailleurs était décriée. Et donc ça a motivé mes engagements dans la recherche sociologique et philosophique sur la discipline. Et j'ai progressivement compris qu'au-delà de l'apparence de brutalité, ce qui pouvait intéresser ces étudiants, c'était des valeurs qui pouvaient être valorisées dans le marché du travail. Des valeurs comme l'adaptabilité, la flexibilité, l'agilité, tout ce dont on parle quand on essaye de qualifier ce qui est un grand dans la cité libérale. Ouais. Donc les valeurs de polyvalence, de pluridisciplinarité, tout ça, c'est quelque chose qui les animait bien plus que la sauvagerie que certains affublent à la discipline. Donc ça veut dire qu'il y a une valeur éducative du MMA ? Alors si je le propose depuis 11 ans, c'est qu'effectivement je suis convaincu de la valeur éducative. Donc en plus de former des combattants adaptables, capables d'évoluer debout, au corps à corps, au sol, je pense que ça forme également des combattants stratèges, capables d'identifier les points forts et les points faibles chez leur adversaire, mais également valoriser leurs propres points forts et points faibles. Et donc il y a vraiment un jeu d'échecs qui s'instaure avec des armes qui sont multiples. Alors, bien sûr, dans d'autres sports de combat, les armes sont également multiples, mais là, elles sont multiples à différents niveaux de combat, debout, corps à corps, au sol. Mmh. Et c'est cette multiplicité, cette polyvalence extrême qui fait que le jeu stratégique devient extrêmement intéressant en MMA et permet de valoriser des profils très variés, que ça soit en termes de force, d'endurance, de niveau technique. Et chacun peut faire valoir ses qualités. C'est ça qui m'a intéressé d'un point de vue éducatif dans la discipline. Alors, on va rentrer sur le ring, justement, pour essayer de comprendre à quoi ressemble le MMA. Enfin, j'ai dit ring, non, c'est une cage. Alors, on va... C'est quand même un premier problème. Suivant les appellations, on peut appeler ça un octogone grillagé, une cage. Alors, au départ, c'était l'appellation qui a été utilisée par les promoteurs de l'Ultimate Fighting Championship, donc qui est l'organisation leader mondiale de combat professionnel de MMA. Ça a été utilisé pour sa valence transgressive et subversive. Ça, c'est indéniable. Mais très vite, cette appellation est devenue encombrante pour ceux qui cherchaient justement à promouvoir la discipline auprès d'un grand public. Donc de plus en plus, on bascule de la cage à l'octogone grillagé. On dit vraiment ça ? Va sur l'octogone grillagé ? De plus en plus, on enlève grillagé, on garde octogone. Ah ouais ? Donc ça reste l'octogone qui définit un petit peu l'identité des pratiquants de MMA aujourd'hui. Donc on va quoi ? On entre sur l'octogone, comment on dit ? On entre dans l'octogone. On entre dans l'octogone pour établir une première distinction, Mathieu Kidu, pour définir ce qu'est le MMA. On va d'abord entendre ce qu'il n'est pas, à savoir du Krav Maga. J'ai mis la sécurité du pistolet, donc il n'y a aucun risque. On va voir ce que ça donne. T'as vu ce que j'ai fait ? Premièrement, là, t'as plus de coude. Ouais. Ok. Deuxièmement, ta tête va être au sol dans une seconde. Et encore, je suis très sympa avec toi, pour l'instant. Je sais. Mais maintenant que je te tiens et que t'es immobilisé dans cette position, j'ai aucun intérêt à te relâcher. Ouais. Mais de toute façon, je vais t'abattre dans 2 secondes. J'ai pas le temps de sortir mon arme. Dans ce cas, le premier réflexe, c'est le Krav Maga. Je vais au contact, boum, je récupère l'arme. Une fois que l'arme est neutralisée, je continue à me battre jusqu'à tuer l'assaillant. Ce qui m'importe, c'est d'être plus fort que toi, parce qu'il n'y a pas de ring, pas de juge, ouais, et pas de foule pour m'applaudir. Il n'y a personne qui va m'encourager, tu vois. Alors, ouais, peut-être que je vais me casser une côte, ou le menton, ou le nez, mais je vais continuer à me battre. Est-ce qu'il va me faire garder les pieds sur terre? C'est mon adrénaline et ma volonté suprême de rentrer chez moi le soir pour voir mes filles. Ce qui nous fait tenir au quotidien, ce qui a donné naissance au Krav Maga, c'est l'espoir. D'accord. Un espoir qui est né d'une promesse. Ouais. Car il y a 75 ans, c'est encore présent. On s'est promis une chose. Ouais. Plus jamais. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, philosophie des arts martiaux cette semaine et ce matin, le MMA, en compagnie de Mathieu Kidu. La différence entre le Krav Maga, ici présenté par Ethan Cohen, qui est prof de Krav Maga et réserviste, et le MMA, enfin je dis la différence, il y en a plusieurs, commençons peut-être par l'une d'entre elles. Il faut distinguer le sport de défense et le sport de combat, n'est-ce pas? Alors je pense qu'on devrait parler plutôt d'activité de défense plutôt que de sport de défense, puisque c'est pour vraiment... Pour le MMA. Non, pour le Krav Maga. Pour le Krav Maga. Pour le Krav Maga. Le Krav Maga ne se revendique pas sportif, n'est pas encadré de la même façon que les autres activités sportives de combat. La finalité première, apprendre à se défendre, comme il est dit dans l'extrait, pour que ça ne se reproduise jamais. Donc, c'est vraiment une volonté de développer des compétences permettant, dans des situations qui se rapprocheraient de la vie réelle, afin de s'en sortir. Dans toutes les activités sportives de combat, la décontextualisation est beaucoup plus importante. On est dans un ring, on est dans un octogone, on n'est pas dans la rue. Et donc cette délimitation est forte et la finalité qui s'ensuit est également très variable. Il s'agit de remporter un combat, remporter un assaut, remporter une rencontre. Donc on est vraiment dans des finalités qui sont extrêmement différentes et il y a une volonté de délimitation spatio-temporelle beaucoup plus marquée dans les sports de combat où on ne cherche pas à répliquer, à mimer une scène de la vie quotidienne, mais on cherche à créer un espace-temps spécifique où il s'agira de remporter la victoire en utilisant les techniques propres à la discipline. Donc le Krav Maga, c'est d'abord une activité de défense qui est d'ailleurs exercée dans l'armée israélienne. Hein. C'est vraiment le but non seulement de se défendre, mais de survivre. Ethan Cohen, hein, le prof de Krav Maga, le disait bien, de survivre. Ça veut dire aussi de tuer l'autre si besoin. C'est une des finalités de cette activité, c'est pas le cas dans le MMA? Alors, la finalité du Krav Maga, plutôt que de tuer l'autre, est d'éviter de se faire tuer. Donc, on est vraiment dans une logique d'autodéfense. Dans le MMA, la finalité est de remporter une victoire et donc d'appliquer des techniques pour remporter cette victoire. Certaines techniques utilisées en MMA pourraient être, si poussées à l'extrême, létales. Par contre, c'est pas l'objectif de les appliquer jusqu'à la mort ou la blessure de l'adversaire. L'objectif, par exemple, dans les techniques de clé articulaire ou d'étranglement, et d'obliger l'adversaire à reconnaître sa défaite. Et donc, en tapant deux fois au sol ou deux fois sur son adversaire, l'adversaire reconnaît que sur le coup, il a été battu. Et donc, ça s'arrête là. Il n'y a pas de volonté d'aller plus loin dans l'application de la force. Donc, alors, comment se passe un combat? Combien est-ce qu'il y a de rings, par exemple? Alors, dans un combat de MMA, donc qui se déroule dans un octogone, au niveau professionnel, les reprises sont de 5 minutes, mm-hmm. avec un nombre de 3 reprises pour les combats classiques et de 5 reprises pour les combats un peu phares, notamment pour les titres de champion. Ces durées donc de 5 minutes se sont progressivement installées, puisqu'au départ, à partir des années 93, la délimitation temporelle était très floue. Les combats pouvaient durer plus d'une heure. Mais très vite, les organisateurs se sont rendus compte qu'un combat qui durait trop longtemps pouvait devenir ennuyeux. Et donc, la création des reprises, plutôt que de protéger le combattant, était finalisée par l'attractivité pour le téléspectateur. Ouais. Donc, créer des combats plus denses, plus compacts, avec des limites bien précises, pour essayer d'avoir un maximum d'explosivité. Et donc, c'est l'explosivité qui allait attirer un maximum de public. Donc ça veut dire que le sport est né en même temps que sa médiatisation. C'est un sport qui a été créé par des professionnels, pour des professionnels, et non par des pratiquants amateurs. À la différence de tous les autres sports qui ont eu d'abord une base amateur très élargie, avant de donner lieu à une élite qui allait se professionnaliser. Dans le MMA, la dynamique de sportivisation a été inverse. Les premiers pratiquants étaient des professionnels. Et on a créé l'UFC pour comparer l'efficacité des techniques de combat de professionnels venant de différents sports de combat. Des judokas, des sumo, des karatékas, des boxeurs, qu'on a mis dans une même enceinte pour délimiter celui qui était le plus efficace. Donc tous les pratiquants initiaux de l'UFC étaient des professionnels. Mmh. Et c'est seulement à partir des années 2000, en France, que la discipline s'est amateurisée. Donc des professionnels d'autres disciplines de sport de combat? initialement, lors des premiers tournois de l'UFC, il n'existait pas de professionnels du MMA, puisque la discipline était nouvelle. Mais alors pourquoi a-t-elle été créée ? Ça veut dire que dans les autres sports de combat, il y avait des choses qui manquaient ? Alors, elle a été créée pour deux raisons principales. La première, c'est tenter de répondre à la question lancinante dans les sports de combat. Quel est le style le plus efficace ? C'est l'efficacité, alors. L'efficacité des techniques de combat. Est-ce qu'un karatéka est plus efficace qu'un combattant de jiu-jitsu brésilien? Et assez vite, la réponse a été donnée que le jiu-jitsu brésilien, donc les techniques de combat au sol, même si peu spectaculaires, sont extrêmement efficaces. Donc c'est pour ça que tous les combattants de MMA par la suite ont développé ces techniques de jiu-jitsu brésilien. La deuxième réponse qu'a offerte l'UFC, c'est peut-on s'opposer dans un contexte minimalement réglementé, à haute intensité, et ça répondait à une logique de spiritualisation de beaucoup d'arts martiaux, oui, où on basculait dans des logiques hygiénistes, philosophiques. Et là, on voulait revenir à l'agon, revenir à l'opposition, revenir à l'affrontement avec un cadre réglementaire minimal. Et donc, qui, dans ce cadre réglementaire minimal, est le combattant le plus efficace ? C'était la question qui a structuré la naissance de l'UFC. Quand vous dites efficace, par rapport à quoi ? Efficace par une capacité à mettre un adversaire hors combat. Soit en lui infligeant un chaos, soit en l'obligeant à abandonner par une clé articulaire ou par un étranglement. Ce faisant, le MMA a renoué avec des disciplines antiques qu'on pouvait trouver dès le début, semble-t-il, de la vie en collectivité de chaque être humain. On trouve dans l'Iliade, figurez-vous, des pages qui décrivent, alors non pas le pancrace, qui était l'espèce de lutte à l'époque, mais une scène de pugilat. Je vous propose qu'on l'écoute et vous verrez les points communs qu'il y a avec ce qu'on appelle le MMA aujourd'hui. Ajax, fils de Télamon, se présenta. L'ingénieuse Ulysse, adroite à son profit, se proposa aussi. Une fois ceinturés, les deux rivaux s'avancèrent au milieu de l'arène. Avec leurs mains puissantes, ils se saisirent tous les deux par les bras. Les dos craquaient, obstinément tiraillés par leurs mains résolues. Une moite sueur découlait de leurs membres. Des tumeurs contiguës sur leurs épaules et sur leurs flancs jaillissaient rougissantes de sang. Tous deux, sans répit, s'acharnaient à vaincre pour obtenir le trépied bien ouvré. Ulysse ne pouvait pas faire glisser Ajax, ni l'amener à terre, et Ajax ne pouvait pas non plus venir à bout de la vigoureuse résistance d'Ulysse. Toutefois, lorsqu'ils s'aperçurent qu'ils impatientaient les Achéens, le grand Ajax, fils de Télamon, dit alors à Ulysse : descendant de Zeus, fils de Laërte, artificieuse Ulysse, soulève-moi ou laisse-moi t'enlever. Zeus aura souci du reste. Ayant ainsi parlé, Ajax le souleva. Mais Ulysse n'oublia pas la ruse. Il le frappa par derrière, l'atteignit au jarret, fit plier ses genoux et le força à choir à la renverse. Ulysse tomba sur la poitrine d'Ajax. Les troupes regardaient, saisies d'admiration. À ce moment, le divin et endurant Ulysse voulut à son tour soulever son rival. C'est à peine s'il le bougea du sol. Il ne l'enleva point, mais il lui fit quand même plier le genou. Et tous les deux alors s'abattirent sur le sol, l'un à côté de l'autre, se souillant de poussière. Bondissant de nouveau, ils auraient pour la troisième fois recommencé la lutte si Achille lui-même ne se fût dressé et ne les eût retenus. N'en venez plus aux prises et ne vous épuisez pas en vous faisant du mal. La victoire vous reste à tous les deux. Recevez donc chacun des prix égaux et retirez-vous, afin que d'autres parmi les Achéens puissent aussi concourir. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Alors dans cet extrait, Mathieu Kidu, Homer décrit un combat dont le but est de divertir le public, dont la violence ne doit pas dépasser le cadre de la compétition. Si on s'en réfère au pancrace, hein, notamment, il y avait des règles assez claires, enfin deux règles, ne pas mordre et ne pas frapper aux yeux. Et juste pour rappeler le contexte, c'est Épéios, le fils de Panopée, qui lui expert en pugilat, qui va proposer ce combat. Alors le vainqueur va gagner une mule endurante au travail, le vaincu remportera une coupe à double calice, hein, c'est comme le juste prix, chacun a son prix. Et donc ici, Ajax et Ulysse se présentent, et la description du combat qu'on vient d'entendre, bah, alors, la novice que je suis trouve que ça fait, il y a beaucoup de liens avec les quelques combats de MMA que j'ai pu regarder. Alors, tout à fait, au niveau du contenu des techniques et des gestuels qui sont appliqués, on peut retrouver des éléments fondamentaux que sont les techniques de frappe, les techniques de clé articulaire, on aurait pu ajouter des techniques d'étranglement. Ce qui définit pour moi aujourd'hui le MMA, ce n'est pas le contenu de ces techniques, c'est la façon dont on réglemente leur application. Dans l'extrait, il est question à un moment de frapper par derrière. Oui. Aujourd'hui, dans la pratique amateur et professionnelle du MMA, c'est quelque chose qui n'est plus possible, qui serait immédiatement sanctionné et qui pourrait donner lieu à annulation immédiate du combat. Donc, même si la base gestuelle est commune, ce qui définit aujourd'hui le MMA, c'est l'encadrement réglementaire qui est très strict, hein, puisque si au départ, à l'UFC, le nombre de techniques était pouvait se compter sur les doigts d'une main, aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de techniques interdites. Et donc, c'est le respect de ce règlement qui fait que ce sport, justement, peut être qualifié de sport. Et non plus de bagarre de rue, non pas de combat de chien, de combat de coq. C'est quelque chose qui est extrêmement réglementé et qui va être utilisé d'ailleurs par les combattants comme outil. Certains combattants, par exemple, aujourd'hui, savent que s'ils mettent 3 appuis au sol, donc les 2 pieds plus une main, ça empêche leur adversaire d'utiliser certaines techniques. Donc en fait, les combattants jouent avec le règlement qui s'étoffe au fur et à mesure. Ce qui pose parfois problème, c'est que certains responsables politiques dans les années 2010 sont restés focalisés sur les conditions réglementaires des premiers tournois de l'UFC dans les années 93. Donc on avait en quelque sorte 15 ans de retard concernant la réglementation de la discipline. Et donc si au départ il était impossible de toucher les parties génitales, de toucher les yeux, c'était un nombre très restreint de règles. Aujourd'hui, le nombre de règles est beaucoup, beaucoup plus étoffé. Et c'est dommage, il me semble, que des responsables politiques soient restés à 15 ans en arrière du point de vue des contextes réglementaires de la discipline. D'autant que le texte qu'on vient d'entendre nous renseigne sur le fait que ce besoin ou cette pulsion ou cette envie d'en découdre physiquement est aussi vieille que l'humanité. La question n'est pas est-ce qu'on peut éradiquer cette pulsion au combat, mais comment la réglementer, c'est ça ? Tout à fait. La grande catégorie des sports de combat sont des activités codifiées. C'est le code qui délimite le sport de combat, c'est pas le contenu des gestes. Le contenu des gestes, comme on l'a vu avec cet extrait, il est transhistorique. Rares sont les techniques qui sont inventées de toutes pièces. En revanche, la codification peut être variable d'une activité sportive à l'autre. Et le MMA a beaucoup évolué dans cette codification qui, à partir de 2001, globalement, a connu un premier cap, avec un système unifié de règles de MMA qui s'appliquait dans toutes les organisations mondiales. En France, 2020 marquera une nouvelle étape avec l'encadrement de la discipline par une fédération qui reçoit un agrément. Et donc, on est dans une logique de codification. Mais il ne faut pas oublier que toutes les activités de combat sont des activités euphémisées. Comme on l'a dit tout à l'heure, le but n'est pas de produire la mort, le but est de remporter une victoire. Et pour ça, on a dû euphémiser le niveau de violence qui est permis. Sans ça, aucune activité n'aurait pu se maintenir. Si elle produisait des morts en série, elle n'aurait pas survécu. Et comment vous vous y prenez concrètement pour euphémiser, comme vous dites, un combattant, un jeune qui se présente à vous et qui veut en découdre et dont vous sentez qu'il est animé par une grande violence? Comment vous faites? Alors la première stratégie que j'évite d'adopter, c'est de multiplier les protections. Plus on multiplie les protections, plus on laisse libre cours à une agressivité. Puisqu'on se dit, je vais être protégé, mon adversaire va être protégé, donc je peux, en quelque sorte, me lâcher. Donc je pense que c'est vraiment une stratégie à proscrire. Au contraire, il s'agit d'apprendre à toucher l'adversaire sans lui faire mal. Donc c'est vraiment l'apprentissage d'une touche, en imaginant, par exemple, que l'adversaire est un feu qui me brûle, donc je ne veux pas appuyer fort. Je reviens tout de suite après avoir touché. Idem pour les techniques de clé articulaire, apprendre la limite qui permet à l'adversaire d'être pris dans une technique, l'obliger à abandonner, mais sans lui provoquer de luxation, par exemple. Donc c'est vraiment l'apprentissage du juste niveau de force à appliquer dans la technique. C'est vraiment la clé de notre enseignement, nous, pédagogues du MMA. Mais ça passe uniquement par la gestion du corps, ou est-ce qu'il y a quand même un discours? Vous avez dit il n'y a pas de spiritualité, mais il y a bien une armature peut-être théorique. Alors, il y a peu de spiritualité dans les MMA. Par contre, il y a beaucoup de philosophie, mais c'est une philosophie en action. Comme je disais tout à l'heure, c'est une philosophie qui est normée sur l'efficacité, la polyvalence, l'adaptabilité, mais pas à un niveau discursif. Vraiment, en MMA, on utilise ce qui fonctionne. Et tout ce qui ne fonctionne pas, qui est trop complexe, qui est... qui n'est pas directement mobilisable, on l'évacue. Donc, c'est vraiment une philosophie de l'efficacité en action. Après, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a une importance pour l'enseignant de bien choisir ses mots. Tout doit être fait pour distinguer le cadre spatio-temporel du MMA de la bagarre de rue. Donc, par exemple, quand un étudiant arrive en disant « je vais lui mettre une grosse droite », non, je mets un coup de poing direct. Ça marque tout de suite. Qu'est-ce que ça change ? Ça change fondamentalement tout, puisque on met une grosse droite à quelqu'un dans la rue, pour l'agresser ou pour se défendre, on assène un coup de poing direct dans un cadre qui est délimité, un ring, un assaut, un tapis. C'est très important. Par exemple, je ne mets pas une balayette à quelqu'un. Ça, c'est ce que dirait, par exemple, un adolescent qui s'est battu dans la cour du collège. J'ai appliqué une technique de balayage. Et cette différence, c'est vraiment la nuance forte qui va permettre à tout combattant d'apprendre la distinction entre combattre, oui, et se battre. Entre rentrer dans un assaut et faire de la bagarre. Et je pense que c'est la responsabilité de l'enseignant, dans le choix des termes qu'il utilise, de marquer de façon indiscutable, vraiment univoque, la distinction au niveau terminologique. C'est pareil au niveau vestimentaire. On n'entre pas dans un entraînement de MMA quand on se balade dans la rue. Il doit y avoir des habits près du corps pour éviter de se prendre les mains dedans. Il doit y avoir un short délimité. On n'est pas le même lorsqu'on est sur un tapis de MMA ou lorsqu'on est dans la rue. L'enseignant doit vraiment insister sur la démarcation spatio-temporelle. Et il y a du rituel en MMA. Bien sûr, c'est pas un rituel spiritualisé comme en judo, par exemple, mais le fait de se serrer la main, de checker son partenaire. Ça montre qu'il y a une communication qui est partagée, qui a un consentement mutuel. Et c'est ce consentement mutuel qui fait qu'on est capable de combattre sans chercher à porter atteinte à l'intégrité de son adversaire. Au fond, c'est la notion de discipline que vous enseignez aussi. Tout à fait. Une discipline dans la maîtrise de la force qu'on va appliquer. Une discipline dans le respect du règlement et dans le respect de l'éthique générale qu'on a lorsqu'on est dans une activité codifiée de combat. Alors, comment se passe un combat de MMA précisément ? Pour répondre à cette question, je vous propose qu'on entende un exemple, justement, un combat entre McGregor et Diaz. Est-ce que vous voulez nous les présenter avant qu'on les entende ? Alors, on va dire que c'est les deux spécialistes mondiaux du trash talking. Donc, leur ambition à ces deux combattants, c'est de faire monter la pression médiatique autour des combats qu'ils vont mener. Et donc, pour ça, tous les coups sont bons, hein, des insultes personnelles, des insultes sur les origines ethniques, tout peut y passer. Leur but, essayer de créer un halo d'enthousiasme autour de leur combat, et ça fonctionne puisque les combats de McGregor, notamment, sont ceux qui sont les plus lucratifs. Conor McGregor est aujourd'hui le sportif le mieux payé au monde. Donc, preuve que le trash talking... Toutes disciplines confondues. Ça en arrive à quel montant ? Vous avez une idée ? Voilà, des dizaines de millions d'euros, rien que pour les combats. Hein. Conor McGregor a été le premier à créer un combat entre deux spécialistes d'activités différentes. Donc lui, venant du MMA, a réussi à combattre contre Floyd Mayweather, spécialiste invaincu de boxe anglaise, donc qui avait des titres dans plusieurs catégories. Et donc, on a eu un combat dans les règles de la boxe anglaise entre un spécialiste de MMA et un combattant de boxe anglaise. C'est la première, ça commence à venir et à se régulariser. Et ça a généré des dizaines de millions d'euros qui ont permis à Conor McGregor d'être le sportif le mieux payé au monde. Et l'argent vient d'où ? C'est les spectateurs qui paient ? Alors, la discipline s'est créée par la médiatisation télévisuelle, donc vraiment avec une logique du pay-per-view. C'est quoi ? Pay-per-view, ça veut dire qu'on paye pour voir un combat. Donc, il existe des chaînes qui diffusent des combats de MMA, mais il existe encore la possibilité de payer pour acheter tel combat de MMA. Et Conor McGregor est systématiquement le combattant qui génère le plus de ventes en pay-per-view, à la fois pour ce trash-talking, mais aussi pour son style de combat, qui est un style de combat très agressif, qui ne va jamais à la fin du combat, qui est toujours arrêté avant par une technique de KO, par une technique de clé ou de soumission. Donc c'est vraiment un combattant qui est bankable pour les organisateurs de l'UFC, parce qu'ils savent très bien que l'explosivité du combat va aller de pair avec l'explosivité des échanges verbaux qui vont précéder et succéder au combat. Donc pour eux, qui sont dans une logique lucrative, c'est tout bénéfice. Alors voici donc l'entrée en scène, l'entrée dans l'octogone de McGregor. Chaque combattant a une musique d'entrée particulière, n'est-ce pas ? Tout à fait, c'est vraiment scénarisé. Ce n'est pas propre au MMA, ça concerne toutes les activités de combat de percussion, comme la boxe anglaise, la boxe thaï. Chaque combattant essaye de se singulariser et de faire de son entrée un événement unique. McGregor, the southpaw in the green trunks. Diaz, the southpaw in the black trunks. And as I suspected, right away, he's opening up with the leg kicks. A tactic that Rafael Dos Anjos used successfully on Nate Diaz. Oh, tag left. He hurt him with that. Get back up. And another leg kick. He's picking him apart right now. All Conor McGregor. 19 and counting with the leg kicks. Oh, he hurt it again. Conor feels it. We have ourselves a fight. He goes high with the knee. He tags him again. This place is awesome. Wow. Things just got real interesting. Alors forcément, on entend plus les commentateurs que les corps eux-mêmes. Dans les films, les bruits sont surexagérés, hein, mais ça, on l'a vu depuis Bruce Lee, dont on parlait lundi dernier. Mais si je vous ai bien suivi, Mathieu Kidu, il y a vraiment deux modèles institutionnels dans le MMA. Il y a le modèle médiatique et le modèle fédéral qui est défendu par les pouvoirs publics français maintenant. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Quand vous entendez ça, vous dites le trash-talking, c'est le spectacle, il en fait des tonnes. Et quand vous parlez de la manière dont vous enseignez à vos étudiants la pratique du MMA, c'est pas du tout ce discours-là que vous tenez. Au même titre que lorsque j'enseigne du handball et du football à mes étudiants, je ne me réfère pas forcément à la pratique de Neymar ou au pari truqué des frères Kardashian. Ah, pour vous, c'est la même chose ? Pour moi, c'est la même chose. En fait, il existe un contenu gestuel, tactique, technique, physique du sport. C'est ce que l'éducateur va utiliser au service de l'éducation physique de ses étudiants. Et il existe une construction professionnelle, médiatisée, télévisuelle, avec des dérives. Et l'éducateur n'est pas obligé de souscrire à ces dérives. Il peut tout à fait se contenter de la logique de l'activité pour en faire un outil d'éducation pour ses élèves. Concernant la divergence des modèles d'encadrement du sport, il est clair que la façon dont le MMA s'est structuré ne peut pas être acceptée par les pouvoirs publics français dans la tradition coubertinienne d'un modèle fédéral avec des associations à but non lucratif, fédérées en comités, en ligues, en fédérations, puis en fédérations internationales. Donc je pense que ça a vraiment été l'un des moteurs de la réticence des pouvoirs publics français à encadrer la discipline, qui a été créée, rappelons-le, pour la médiatisation. Par la médiatisation, les combattants étaient des salariés d'organisations qui avaient un seul but, générer du profit. Donc nous, dans le cadre de nos associations loi 1901 à but non lucratif, il y avait un décalage. Et donc, il était clair que la seule façon d'accepter le MMA en France était de casser ce modèle structuré par des multinationales et de faire... que la discipline s'insère dans le moule existant, à savoir une fédération recevant un agrément de la part de l'État. C'est ce qui est le cas, puisque en 2020, après un appel à manifestation d'intérêt, le gouvernement a décidé d'accorder un agrément provisoire à la Fédération française de boxe pour structurer la discipline. Mais pour structurer la discipline dans le modèle coubertinien, hiérarchique, descendant, fédéral. Et c'est ainsi que la boxe anglaise entend structurer la discipline. Donc bien sûr, des combats professionnels vont avoir lieu en France. Des partenariats vont être créés entre ces organisations multinationales et la fédération. Mais pour les pratiquants amateurs, ça sera encadré dans un schéma classique fédératif français. Alors, comment vous positionnez-vous par rapport à l'objection morale, on va dire, qu'on entend? C'est la même qui est adressée au film de Tarantino qui esthétiserait la violence. On l'entend aussi parfois même pour le foot, hein, qui justement véhiculerait des valeurs quand il est médiatique, surmédiatisé, qui vont à l'encontre de l'éthique sportive. Dans le cas du MMA, évidemment, on se dit, mais c'est déchaînement de violence, certes encadré, mais est-ce que vous y voyez une sorte d'enseignement d'une forme de morale? Est-ce que apprendre à cogner dans une certaine discipline peut permettre de devenir meilleur? Alors moi, ce qui me semble très éducatif, voire humanisant dans le MMA, c'est l'application des techniques de finalisation. Donc on peut prendre l'exemple des clés articulaires ou des étranglements. Si je réalise mal un étranglement, je peux tuer quelqu'un. Maintenant, si j'apprends à bien le réaliser, je manifeste un haut degré de contrôle, un haut degré de maîtrise personnelle et de respect vis-à-vis de mon adversaire, puisque j'aurais pu le tuer, mais je ne le tue pas. Et lui-même, il sait que j'aurais pu le tuer, mais me fait confiance parce qu'il sait que je vais avoir une capacité à maîtriser ce que je fais. Et donc pour moi, c'est indispensable d'enseigner ces techniques-là parce que ça crée de la connivence, de la complicité entre les adversaires qui ne sont pas des ennemis, qui sont simplement des adversaires dans un contexte délimité. Et donc, ces techniques-là ont un très très fort potentiel civilisateur, entre guillemets, puisque on met dans les mains de quelqu'un notre vie. Et donc, on sait que cette personne-là n'a pas pour but d'interrompre notre vie, mais a pour but de nous signifier simplement qu'elle a été supérieure dans le cadre de cette rencontre. C'est pour moi quelque chose de vraiment indispensable. Concernant les objections morales à la discipline, je pense qu'il est indispensable de les comprendre. Même si, personnellement, je ne les accepte pas, je pense qu'il est indispensable de les comprendre. Je ne les accepte pas, pourquoi? Parce que lorsqu'on a des combattants préparés, qui sont consentants, qui sont adultes, qui ont un entraînement conséquent, en fait, il n'existe aucune violence, aucune objection morale apportée à un affrontement entre deux personnes consentantes. Violence, si, quand même. Engagé physiquement, intense, oui, mais violent, non, puisque le consentement est mutuel. Si je vous donne un exemple, si je sors dans la rue et ouais. que quelqu'un m'assène une claque, même si cette claque est minime, d'une intensité ridicule, qui ne me ferait absolument pas mal, c'est d'une violence extrême. Si maintenant je suis dans un combat de boxe anglaise ou de MMA et que je prends un direct arrière, 100 fois plus puissant que la claque dont je viens de parler, je n'y vois aucune violence. Je n'y vois aucune violence parce que je suis prêt à accepter de recevoir cette ouais, technique. Est-ce que le consentement adoucit ou anéantit la violence? C'est ça la question. Le consentement fait disparaître pour moi la violence, croyez, ouais. mais ne fait pas disparaître la douleur que je vais avoir. Sauf que cette douleur, je suis préparé à la recevoir et je savais que c'était une possibilité tout à fait plausible de l'engagement. Par contre, quand je sors dans la rue, me prendre une claque d'une personne que je connais pas qui veut me voler mon portable, je n'y étais pas préparé, rien ne le justifie. Et donc, pour moi, la violence est extrême. Même si le contenu gestuel est proche. Oui, bah, d'ailleurs, la meilleure preuve de ce que vous dites, c'est que ça peut passer par le langage. Certains mots peuvent être d'une grande violence alors qu'ils ne nous touchent même pas. Tout à fait. Certains regards, certains mots. Donc, c'est pas le contenu technique, gestuel de l'acte violent. C'est la signification qui fait la différence. Et la signification dans la rue, c'est une agression, une volonté de domination. Dans le sport, c'est une volonté de remporter la victoire. Et tout le monde est en accord sur ça. Donc il y a vraiment pas de violence dans le MMA. Il y a de l'engagement physique, parfois très intense. Si de la violence il y a dans le MMA, elle est plutôt avant ou après le combat, comme par exemple dans le trash talking où là il y a vraiment des insultes qui sont proférées et c'est à chacun de créer une distance critique vis-à-vis de ce marché de l'insulte qui a pour but de faire croître le profit. Alors tout à l'heure je disais que je n'accepte pas les objections morales, mais j'essaye de les comprendre. Je pense que sincèrement des personnes, en voyant un combat de MMA, sont écœurées, peuvent avoir envie de vomir, peuvent avoir des nausées et peuvent trouver ça réellement indigne. Et c'est là que je pense qu'il y a un travail éducatif à faire pour essayer de comprendre d'une part ce qui motive cette indignation et d'autre part les aider à sortir de ce schéma qui en fait amalgame le combat de rue et l'opposition réglementée, codifiée, spatio-temporellement démarquée que constitue le MMA. Donc je pense qu'il y a un travail éducatif et la Fédération Française de Boxe s'y est engagée. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que des responsables politiques sont tombés dans cette confusion jusqu'à 2020. Confusion qui, à mon avis, était assez habilement entretenue pour freiner l'encadrement institutionnel de la discipline. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans cette phase-là. Donc je retiens, vous dites, ce n'est pas la force du coup qui va déterminer la violence, c'est la signification du geste dans son contexte, c'est ça ? Tout à fait. Le même geste, avec la même intensité, dans deux contextes différents, n'aura pas la même signification. Mais est-ce d'un que c'est côté, pas... une agression, ouais. De l'autre, une technique. Mais est-ce que c'est pas jouer sur les mots ? Parce qu'on peut dire qu'il y a de la violence même quand elle est consentie. C'est tout aussi violent, on peut accepter la violence. Ce n'est pas la même chose que la subir. Alors, est-ce qu'il faut enlever le mot violence ? Je pense que le fait d'accepter enlève le mot violence et ouais. Le transforme dans l'engagement intense qui peut parfois outrepasser les règles, mais dans ces cas-là, ça sera sanctionné. Donc je pense que c'est vraiment le contexte qui détermine. Et c'est pour ça qu'en tant qu'enseignant, il y a un effort essentiel à créer un contexte spécifique. Comme je le disais tout à l'heure, d'un point de vue linguistique, d'un point de vue vestimentaire, créer un rituel de salut au début et à la fin de chaque combat qui marque en fait les limites de ce qu'on a le droit de faire ou pas. Et en dehors de ces limites, eh ben, le même geste pourra prendre une signification de violence. I want you to do me a favor. Yeah, sure. I want you to hit me as hard as you can. Allez, viens, frappe-moi avant que j'en ai plus envie. Oh, nom de Dieu. Non mais c'est dingue, j'ai pas envie. Alors deviens dingue, allez, balance ta droite. Je sais pas si c'est une bonne idée. Moi non plus, mais on s'en fout, personne regarde, de quoi t'as peur? Mais où? En pleine figure? Surprends-moi. Non! Ah putain, quel enculé! Tu m'as frappé à l'oreille! Bon Dieu, je suis vraiment désolé. Ah, bon Dieu de merde! Ah, j'ai merdé, je suis nul. Non, c'était parfait! Oh! Moi encore? Non, toi, frappe-moi. Viens. Allez! Pendant la semaine, on menait une parfaite vie de couple. Mais tous les samedis soirs, on faisait des découvertes. On découvrait de plus en plus à chaque sortie qu'on n'était pas seul. Tout le monde l'avait sur le bout de la langue. Tyler et moi, on lui a simplement donné un nom. Messieurs, bienvenue au Fight Club. Donc, si je vous ai bien suivi, Mathieu Kidu, Fight Club, donc le film de David Fincher hein, qui sort en 99, c'est ce que le MMA n'est pas. Le MMA est l'anti-Fight Club, même si beaucoup de personnes hostiles à la discipline ont précipité l'amalgame. Alors, dans Fight Club, il y a quand même la notion de consentement. Oui. Donc, il n'y a pas de entendu, domination. Hein. Il demande à être frappé. Il demande et il y a un accord sur la réciprocité de la violence. Donc déjà, dans Fight Club, il y a du consentement. Néanmoins, ça n'a rien à voir avec du MMA, puisque le cadrage spatio-temporel et réglementaire dont je parlais tout à l'heure n'est pas présent. Dans les combats de MMA, un arbitre est là, des juges sont présents, un cadre réglementaire est compris et appliqué par tous, et c'est ce qui crée la démarcation. Dans Fight Club, sauf erreur de ma part, il n'y a pas d'arbitre. Le combat se finit lorsque l'adversaire n'est plus en mesure de se relever, de faire quoi que ce soit. Donc, on pourrait presque aller jusqu'à la mort de l'adversaire. Chose qui est absolument impossible en MMA, compte tenu de la présence de l'arbitre et de la régulation en temps réel. Donc, s'il y a quand même une différence entre le fait de se prendre une claque dans la rue et le Fight Club, qui est la notion de consentement, il y a encore une très grande différence entre le Fight Club et le MMA, dans la mesure où le cadrage est beaucoup plus prononcé dans la discipline MMA. Le MMA a longtemps souffert du syndrome Fight Club, c'est-à-dire de cette association, de cet amalgame précipité entre les deux. Je pense qu'en tant qu'éducateur, il est indispensable de marquer une rupture très franche vis-à-vis du Fight Club, tout comme il est important de marquer une rupture vis-à-vis des dérives professionnelles du trash-talking, par exemple, dans le cadre de l'UFC. Donc on a vraiment des... Même avec l'exemple tout à l'heure de l'Iliade, on a différents contextes où finalement les techniques utilisées sont les mêmes, mais les significations sont différentes parce que les contextes sont variés. Et c'est important d'insister par ces contextes, d'entrer par ces contextes pour marquer vraiment la différence de nature. Alors une autre objection qu'on peut faire au MMA, c'est ce que vous disiez en début d'émission, la dimension néolibérale de ce sport. Vous disiez, mais mes élèves, je les éduque aussi à être adaptés finalement au monde contemporain. Vous avez dit que beaucoup de normaliens, puisque vous enseignez, je le rappelle, à l'École normale supérieure de Lyon, venaient vous voir et que finalement ça les formait, ça les préparait à la vie active, la pluridisciplinarité, la flexibilité, l'adaptation. Est-ce que le MMA est un sport au service du néolibéralisme ? Alors déjà, le MMA est une émanation du néolibéralisme, puisque les premiers tournois de l'UFC ont été créés pour générer de l'argent, mais plus encore pour essayer de délimiter dans un marché faiblement régulé quel était le combattant et le style de combat le plus efficace. Mmh. Donc là, on n'a que des normes libérales, un marché faiblement régulé, donc ce qui se traduisait par très peu de contraintes réglementaires, et une volonté de démontrer l'efficacité. Ensuite, dans la tenue des autres combats, n'ont été retenues que les techniques qui fonctionnaient. Donc une nouvelle fois, efficacité. Efficacité, faible régulation. C'est ce qui est à l'origine de l'UFC. Donc l'UFC est à la fois une émanation du capitalisme, mais aussi un champion du capitalisme. La firme UFC a été vendue à plusieurs milliards de dollars. Elle a été rachetée il y a quelques années par une entreprise hollywoodienne de spectacle qui gère des contrats de chanteurs, d'acteurs, etc. Donc l'UFC est en plein dans le monde du spectacle. Avant, les propriétaires de l'UFC étaient des manias des casinos de Las Vegas. Donc il est clair que l'argent est partout. Le MMA est une émanation du libéralisme, c'est aussi un champion du libéralisme, mais c'est aussi une préparation au libéralisme. Comme on le disait tout à l'heure, quand on apprend le MMA, on apprend à être stratège, on apprend à ne retenir que les techniques qui fonctionnent, on apprend à s'adapter à la variation des phases de combat. Donc on est réellement dans cette flexibilité, dans cette agilité qui est recherchée sur le marché du travail. Donc ça, à ceux qui vous en font l'objection, vous dites bah oui, c'est le cas. C'est incontestable que l'UFC vient du libéralisme et que le MMA prépare au libéralisme. Alors après, on peut y mettre les dérives ou non du libéralisme, mais on peut, à mon avis, enseigner des valeurs d'autonomie, d'initiative, d'adaptabilité, sans forcément souscrire à toutes les dérives mercantiles de l'activité. Alors qu'est-ce qui fait, selon vous, un bon combattant de MMA ? Quelle qualité faut-il ? Alors, encore aujourd'hui, à très haut niveau, on peut trouver des profils très variés. On va avoir des profils qui commencent à vraiment se généraliser de combattants polyvalents, c'est-à-dire des décathlètes des sports de combat, pour reprendre une expression qui a cours dans la discipline. Donc des personnes qui sont aussi efficaces dans les phases de lutte que dans les phases de percussion ou dans les phases de finalisation dans le combat au sol. Donc ça, c'est vraiment des combattants pluridisciplinaires par excellence. Néanmoins, subsistent encore des combattants monoprofils, qui excellent dans un seul registre. Alors ça commence à devenir plus rare, mais ça existe encore. Par exemple, des combattants qui ne gagnent que par des techniques de points, donc par des crochets dévastateurs, ou à l'inverse, des combattants qui ne gagnent que par des techniques de finalisation au sol. Donc coexistent encore aujourd'hui, de façon très efficace, ces profils variés entre le polyvalent et le monospécialiste. Mais pour le monospécialiste, ça va devenir de plus en plus rare, puisque en face, les adversaires vont être préparés. Mais est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a un certain poids, une certaine taille, un certain sexe même ? Est-ce que les hommes sont plus performants que les femmes ? Est-ce que ça existe pour les femmes déjà ? Alors oui, tout à fait. Donc depuis 2001 a été créé un système de catégories. Donc catégories qui n'existaient pas par ailleurs auparavant. Donc c'est vraiment une dynamique de sportivisation de la discipline qui a eu lieu depuis 2001, avec des catégories très définies. Alors bien sûr avec des dérives, puisque les combattants essayent de combattre 10 kilos en dessous de leur propre poids dans des catégories inférieures, mais ça c'est propre au sport de combat en général. Les combats féminins sont tout à fait diffusés. L'une des plus grandes stars de l'UFC, garçons et filles confondus, a été une femme, qui est Ronda Rousey, qui est aujourd'hui mise en scène sur Netflix dans un documentaire, donc que je vous recommande. C'est l'athlète féminine la plus recherchée sur Google aujourd'hui, avec Serena Williams. Donc c'est Ronda Rousey qui aujourd'hui a quitté l'UFC pour aller vers le catch, alors qu'avant de venir au MMA, elle était judokate. Donc on voit que le parcours martial de cette athlète est vraiment varié. Après avoir été troisième aux Jeux Olympiques, quand même en judo, elle a quitté le judo, a effectué un transfert vers le MMA, où elle a été championne dans deux catégories. Elle a généré des profits immenses, ça a été la première superstar de l'UFC. Et aujourd'hui, après quelques défaites, elle continue son activité lucrative dans le catch. Donc c'est vraiment une activité qui est ouverte aux femmes, au point que la première et la plus grande superstar du MMA est une femme. Donc ça veut dire que toute catégorie confondue, tout le monde peut faire du MMA ? Alors, au niveau professionnel, des catégories sont prévues pour les hommes et pour les femmes, avec chaque niveau de poids. Bien sûr, les catégories les plus lucratives pour l'UFC sont les catégories des lourds, puisque les lourds sont ceux qui vont générer le plus de KO, qui dit chaos dit spectaculaire pour le grand public, hein. Donc une capacité à générer beaucoup de profits. Maintenant, pour les combattants amateurs, il est tout à fait possible, quel que soit son gabarit, d'évoluer en MMA contre des adversaires de son poids. Ce qui n'était pas le cas originellement, puisque les catégories n'existaient pas et donc on pouvait affronter quelqu'un de 30 kilos de plus que soi. Alors une dernière question, imaginons qu'un auditeur qui nous écoute depuis le début de cette émission et qui ne s'attendait pas à découvrir ce sport-là se dise « mais alors peut-être que je suis fait, enfin j'ai envie, j'ai la curiosité de voir si je peux pratiquer ce sport-là ». Qu'est-ce que vous lui dites? Est-ce qu'il faut, j'en reviens à cette question, est-ce qu'il faut certaines qualités? Alors je pense que la première qualité à avoir, c'est de la curiosité, puisque la pluridisciplinarité du MMA fait que nous n'allons pas être à l'aise spontanément sur tous les registres de combat. Certains seront très forts dans la lutte, d'autres très faibles dans la percussion. Et donc, il faut être capable de rentrer dans une dynamique d'apprentissage pour combler ses faiblesses, afin de devenir éventuellement ce décathlète des sports de combat qu'on évoquait tout à l'heure. Ensuite, bien sûr, d'un point de vue physique, c'est très intense. Il faut être capable donc de rentrer dans la préparation physique qui est nécessaire pour ne pas se blesser. Et donc, il existe aujourd'hui des clubs affiliés MMA, grâce au rattachement à la Fédération Française de Boxe. Et donc, il y a une couverture nationale qui est très importante et qui permet à chacun, très proche de soi, de rentrer dans une activité qui sera encadrée par des professionnels qualifiés, vu que des diplômes nationaux sont en cours de finalisation. Merci beaucoup, Mathieu Kidu, d'être venu nous parler du MMA ce matin. On va se quitter avec un des chants d'entrée, justement. On a dit que chaque combattant avait un chant spécial. J'en ai deux à vous proposer, c'est vous qui allez choisir. Vous voulez celui de John Jones et de Tom Lawlor, sachant que John Jones, c'est Jadakiss, The Champ is Here, et Tom Lawlor, c'est Rick Derringer, Real American. Vous choisissez laquelle? Alors, je vais choisir John Jones, qu'on considère comme le plus grand combattant de tous les temps en MMA. Eh bien, voici donc le chant d'entrée dans l'octogone de John Jones pour terminer cette émission. Merci encore, à bientôt. The champ is here. I just smash shit by here. The champ is here. This shit is crazy. The evil genius Green Lantern. The champ is here. The champ is here. The champ is here. Yeah. Deep lock. The champ is here. The champ is here. Fucking with the champion. Niggas know the champ isn't here. He took it from crack to rap. Now he put out 2 anthems a year. And I just wanna rock for a century and then chase the book with the documentary. If you can't do nothing other than flow, life's a bitch like the mother from Blow. Let's go, don't make me put your heart in your lap. Fuck riding the beat, nigga. I parallel park on the track. Hop out looking crispy, fresh and new. And it's 6, but it's a BM and it's Pepsi Blue. And I don't know you, but I know a man becomes a man from all the shit that he go through. And y'all ain't fucking with Jason. After I cash in, it's really no justification of how I'm gonna change the game. So don't get out of line. It's this little 9 to change your frame. My friend. Kiss, time's up, the champ is here. It's the remix. We're about to make the world get down. And I hate cops, but it's a new sheriff in town. Let's go. Everybody pipe down. I'm on. You know the game is mine right now. Put your mics down. And the truth is that. Let's go. Y'all know the black babe roof is back. Listen, the game's scary. Cause everybody running around. The champ is here. Mais peut-être s'agit-il du champion Aurélien Bélanger qui tous les matins vient nous faire sa question, nous proposer sa question philo du jour sur France Culture, les chemins de la philosophie. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour champion Aurélien Bélanger. Bonjour Adèle, et oui, je viens remettre mon titre en jeu. on va voir si vous allez le garder. En tout cas, la question que vous nous posez ce matin est la suivante. Jusqu'à quand lirons-nous encore des livres? Et oui, alors c'est une question que je me suis posée en me procurant une vieille édition reliée de la Divine Comédie de Dante, qui était en fait plutôt un ouvrage de déco de ceux qu'on mettait autrefois pour donner un peu de cachet à son intérieur et signifier surtout qu'on avait une vie intérieure. Ce n'était pas un livre donc spécialement précieux, encore moins un livre destiné à être ouvert. Alors il se trouve que c'était une édition excellente de la traduction d'Arnaud de Montort, avec ce détail que ses notes étaient bien en bas de page. Cela évite cette chose idiote anecdotes des éditions contemporaines qui obligent à aller chercher ce dont on a besoin à la fin du volume, ce qui finit fatalement par nous divertir au moins autant que le font notre téléphone. J'ai toujours pensé d'ailleurs qu'une bonne Pléiade était la seule concurrente viable du téléphone. C'est à peu près aussi complet que tout ce qu'on peut trouver par exemple sur Wikipédia, études critiques, bibliographie et tableaux synoptiques. Alors le premier Pléiade que j'ai acheté, les Essais de Montaigne, présentait justement cet avantage que si les notes universitaires étaient à la fin, défaut il est vrai un peu compensé par le double marque-page, un pour le texte, un pour les notes lexicographiques avec la traduction des mots ambigus en français moderne étaient elle bien en bas de page. C'était, en termes d'ergonomie, absolument remarquable, vraiment un triomphe du design. Et comme l'iPhone, c'est un objet dont le seul luxe est finalement d'être bien conçu. Et me retrouvant à lire du Dante dans un livre âgé d'environ 2 siècles, dans une édition encore meilleure que l'édition Pléiade, je me suis souvenu que le livre avait atteint très tôt sa perfection formelle et qu'il demeurait le seul concurrent sérieux du téléphone. Bon, donc la lecture n'est pas en danger, Aurélien. Bah, c'est précisément l'argument de ma fille, prise en cette fin de CM2 d'une véritable frénésie scripturale. Elle me soutient qu'elle lit de plus en plus, qu'elle ne fait que ça, essentiellement depuis que ses amis et elle se sont lancés dans la création d'une quantité astronomique de groupes de conversations sur WhatsApp. Le plus fascinant étant celui autoréférentiel qui s'appelle « Grave », le groupe des filles qui disent « Grave ». Elle lit, oui, des messages, et cela lui prend pour l'instant au moins 1 heure par jour. Et comme c'est mon téléphone, pendant ce temps-là, moi, je suis bien obligé de lire aussi. Car inutile de se mentir, je fais le boomer inquiet, l'écrivain réac qui trouve que la Divine Comédie, c'est autre chose que Facebook. Mais en réalité, j'ai déjà basculé. Les données sont là, j'ai consulté mon rapport d'activité. Je passe 4 heures par jour sur mon téléphone, 1h30 sur Twitter, 1 heure sur TikTok, le reste sur mes messages, sur Insta ou sur Reddit. Et si je n'ai pas encore basculé sur Twitch, c'est une question de jours, même si la dernière fois que j'ai lancé l'application, j'ai eu un mouvement de recul quand la Twitcheuse que je ne connaissais pas et qui comptait parler de politique et de sciences sociales en jouant à Binding of Isaac s'excusait presque en lançant son live de ce qu'il ne durerait que 14 heures et que les marathons de 24 ou 48 heures ce n'était pas pour elle. Là, j'ai senti que le livre était mort. Car mon premier réflexe, au lieu d'être horrifié, a été de m'enquérir du prix des AirPods pour pouvoir consommer en secret ce genre de contenu vertigineux, alors que s'il y a bien quelque chose que je déteste, pourtant c'est de regarder des vidéos, même les films je n'en regarde plus, car je trouve ça trop pesant. Mais 14 heures de live, Aurélien, vous allez jamais tenir. Bah c'est justement tout le point. Je n'allais pas tenir. Comme je ne tiens jamais quand je lis Proust ou quand je lis Balzac, je ne suis pas captif. Et c'est cela, en dernier lieu, la lecture. Une dialectique subtile de l'attention et de l'inattention, une rêverie accompagnée. Les grands livres ne sont jamais des page-turners. Et les lives sur notre téléphone dont on ne peut corner les pages ont quelque chose de l'intimité retrouvée du cabinet de lecture. Et heureusement, entre la lecture et le téléphone, il reste la radio dont on fête les 100 ans cette semaine. Merci Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Clémentine Marais en compagnie de Jules Barbier, Manon Delasselle, Géraldine Nosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette série d'émissions avec des gants sur les poings, évidemment, pas pratique pour mixer. À ses côtés se trouvait Jean-Frédéric, heureusement qu'il lui a sauvé la tâche. Bernard Gabet est à la lecture des textes cette semaine. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de cette série Philosophie des arts martiaux, après Bruce Lee, après le MMA ce matin, et on parlait de l'aïkido et du judo hier. Et bien demain, nous serons en compagnie de Stéphane Renesson. On parlera de boxe thaï et on se demandera s'il faut détruire le corps pour briser l'ego. Tout un programme. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez aussi télécharger l'application Radio France qui vous permet d'écouter l'émission en direct ou bien en téléchargement, en podcast, comme ça vous l'écoutez où vous voulez ou quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On est toujours ravis de vous y retrouver et de répondre à vos questions. On se retrouve demain à 10h donc. D'ici là, échauffez-vous et surtout, restez à l'écoute sur France Culture.